Deuxième chapitre. Deuxième chant de Sigurd, vainqueur de Fafnir. Sigurd se rendit là où Jarlsprek élevait ses chevaux, et parmi ceux-ci, il se choisit un étalon qui, depuis lors, fut appelé Grani. Reginn, fils de Reidmar, était arrivé près de Jarlsprek. Il était le plus habile des hommes et un nain de stature. Il était savant et méchant et connaissait les sortilèges. Reginn entreprit d'élever Sigurd. Il l'instruisit et l'aimait beaucoup. Il raconta à Sigurd l'histoire de ses aïeux et leurs aventures et comment Odin, Hogni et Loki arrivèrent à la cascade d'Andvari. Dans cette chute d'eau, il y avait une grande quantité de poissons. Un nain qui s'appelait Andvari vivait depuis longtemps près de cette chute sous forme de brochet et il y prenait sa nourriture. « Notre frère s'appelait Otur, » dit Reginn, « et il nageait souvent dans la chute sous forme d'une loutre. Un jour, il avait pris un saumon et il le mangeait au bord de l'eau, les yeux à moitié fermés, lorsque Loki le tua d'un coup de pierre. Les Asen s'estimèrent très heureux et dépouillèrent la loutre de sa peau. Le même soir, ils prirent gîte chez Reidmar et lui montrèrent leur proie. Nous mîmes les mains sur eux et nous leur imposâmes pour prix du meurtre qu'ils rempliraient d'or la peau de la loutre et qu'ils la recouvriraient extérieurement d'or rouge. Ils envoyèrent Loki pour aller chercher l'or. Il se rendit auprès de Ran et obtint d'elle son filet. Ran était l'épouse d'Ægir, dieu de la mer. Il jeta le filet devant le brochet, et le brochet s'y engagea. Alors Loki parla ainsi. « Quel est ce poisson qui nage dans la rivière et qui ne sait pas se préserver du piège? Sauve maintenant ta tête des raies de Hel et livre-moi la flamme des eaux, l'or brillant. » Hel est la divinité de ceux qui mouraient sans avoir combattu. Le brochet. « Je m'appelle Andvari, mon père se nomme Odin, je franchis maintes cascades. Il y a longtemps une norne ennemie m'a condamné à nager dans ses eaux. » Loki. « Dis-moi, Andvari, si tu veux retourner encore parmi les mortels, de quelle peine on frappe les fils des hommes qui manquent à leur parole ?» Andvari. « Des peines terribles attendent ces fils des hommes. Ils sont plongés dans le Vatgelmir, un des fleuves souterrains. Celui qui trompe les autres par des mensonges en subit bien longtemps la peine. » Loki voyait tout l'or que possédait Andvari. Mais quand celui-ci eut livré tout le trésor, il retenait encore un anneau. Loki le lui enleva aussi. Le nain se rendit au bourg et dit « Maintenant cet or que Gustr possédait causera la mort de deux frères et de 8 nobles guerriers. Nul ne jouira de mon or. » Les Asen délivrèrent le trésor à Reidmar, remplirent la peau de la loutre et la placèrent debout sur ses pieds. Les Asen devaient encore l'entourer d'or et l'en couvrir complètement. Quand cela fut fait, Reidmar s'approcha et vit un poil du museau et exigea qu'on le couvrit aussi. Odin prit l'anneau Andvaranaut et cacha le poil sous l'anneau. Loki, je t'ai donné de l'or pour racheter ma vie, mais il ne portera pas bonheur à ton fils. Il sera la cause de votre mort à tous deux. Reidmar, tu m'as donné ce trésor, mais non comme un don d'amitié. Vous auriez perdu la vie si j'avais prévu le danger. Loki, je crois voir des choses encore plus terribles. On se battra pour une femme. Ils ne sont pas encore nés, les nobles guerriers, pour qui cet or sera une cause de discorde. Reidmar, cet or rouge m'appartiendra aussi longtemps que je vivrai. Je ne crains point tes menaces, mais retirez-vous d'ici. Fafnir et Reginn exigèrent de leur père une part de la composition payée pour la mort de leur frère. Mais Reidmar refusa. Alors Fafnir, saisissant son épée, tua son père Reidmar pendant son sommeil. Reidmar cria à ses filles. « Lingheide et Lofnheide, c'en est fait de ma vie. Malheureux, je demande vengeance. » Lingheide, il n'appartient pas à la sœur, même quand elle voit son père assassiné, de venger le crime sur son frère. Reidmar est une fille vierge au cœur du loup. Si tu ne dois pas donner le jour à un fils, qu'on donne un époux à la jeune fille, ainsi l'exige le destin, et son fils accomplira la vengeance. Reidmar mourut, et Fafnir prit tout l'or pour lui seul. Reginn réclama sa part de l'héritage paternel, Mais Fafnir refusa. Alors Regin alla demander conseil à Lyngheide, sa sœur, pour savoir comment il obtiendrait sa part d'héritage. Elle répondit « Réclame amicalement de ton frère ta part d'héritage et de meilleurs sentiments. Il ne te convient pas de demander ton bien l'épée à la main. » Voici ce que Regin raconta à Sigurd. Un jour qu'il se rendit à la demeure de Regin, il fut bien reçu. Regin parla. « Voilà que le fils de Sigmund est venu en ma demeure, ce vaillant héros. Il a plus de courage que moi qui ne suis qu'un vieillard. J'aurai bientôt à combattre contre le loup terrible. Il faut que je veille sur le héros, sur le descendant d'Ingvi qui est venu vers nous. Il sera le plus puissant des hommes, et le bruit de ses exploits ordonnés par le destin remplira l'univers. » Sigurd demeura constamment auprès de Regin, et celui-ci dit à Sigurd que Fafnir était couché sur la Gnitaheide sous la forme d'un dragon. Il possédait le Gishelm qui faisait reculer tous les mortels. Regin forgea pour Sigurd une épée qui s'appelait Gram. Le fil en était si tranchant que l'ayant plongé dans le Rhin et ayant abandonné un flocon de laine dans le courant, l'épée coupa le flocon tout comme l'eau. D'un coup de cette épée, Sigurd fendit du haut en bas l'enclume de Regin. Après cela, Regin poussa Sigurd à tuer Fafnir. Mais Sigurd parla. « Les fils d'Unding riraient bien fort. Eux qui ont tué Eilimi, si moi, un roi, je pensais plutôt à conquérir des anneaux d'or rouges qu'à venger mon père. » Le royal prêtre donna à Sigurd des hommes et des vaisseaux afin qu'il pût venger son père. Ils furent assaillis par une grande tempête et passèrent au pied d'un cap élevé. Un homme se tenait au haut du rocher et parla. « Qui chevauche ainsi sur les étalons de Reyvil, sur les lames furieuses à travers la mer soulevée ? Les chevaux ailés blanchis se décument, les coursiers des vagues ne résisteront pas à la tempête. » Réville est un dieu de la mer et ses étalons sont les navires. Regin, nous sommes ici avec Sigurd sur les arbres de l'océan. Les vents qui nous poussent nous entraînent à la mort. La vague déferle au-dessus des mâts. Les coursiers de la mer vont périr. Qui nous interroge ? L'homme. On me nomme Nikar, ô jeune Volsung, quand je réjouis Hugin sur le champ de bataille. Tu peux m'appeler l'homme de la montagne, Feng ou Fjölnir. « Je veux diriger ta course. » Nikar, Feng et Fjölnir sont des surnoms d'Odin. Hugin est le nom d'un de ses corbeaux. Ils s'approchèrent du rivage. L'homme monta à bord du navire et calma la tempête. Sigurd, « Dis-moi, Nikar, toi qui connais les présages, qui annoncent le bonheur aux hommes et aux dieux, quand on s'avance au combat, quel est le signe le plus favorable pour soutenir le choc des épées ?» Nikar, plus d'un présage est bon pour soutenir le choc des épées, si les combattants connaissaient ces présages. Ce qui me paraît surtout de bon augure, c'est quand le corbeau noir, comme la nuit, suit le guerrier qui combat. Un second présage favorable quand tu sors et que tu vas te mettre en voyage, c'est de voir alors deux guerriers valeureux levés sur la pointe des pieds et prêts à la lutte. C'est aussi un bon présage quand tu entends hurler le loup près du frêne, et si tu le vois marcher en avant, tu peux espérer remporter la victoire sur tes ennemis portant des haumes. Que personne ne commence le combat en face de la lumière que projette vers le soir la sœur de la lune. Ceux-là remporteront la victoire qui voient commencer le terrible jeu des épées ou qui sauront ordonner les bataillons en forme de coin. Si ton pied bute au moment de marcher au combat, un grand danger te menace. Les troupes d'Isen seront à tes côtés et voudront te voir blessé. Les Trugdisen étaient, ainsi que les Valkyries, des êtres divins qui apparaissaient tantôt comme de bons, tantôt comme de mauvais esprits. Que le guerrier se peigne et se lave et prenne son repas dès le matin. Nul ne sait où il arrivera le soir et il est dur de tomber avant le temps. Sigurd livra un grand combat à Lingvi, fils de Hunding, et à ses frères. Lingvi et ses frères succombèrent. Après le combat, Regin dit « L'épée bien affilée a coupé les côtes du meurtrier de Sigmund et les a rejetées vers les omoplates. Nul chef plus puissant n'a rougi la terre de son sang et réjoui les corbeaux. » Sigurd retourna auprès de Jalprek. Regin engagea Sigurd à tuer Fafnir.